Chapitre 4. Hector Passemard, le richissime raffineur, n'avait pas toujours été millionnaire. Dans les premiers temps de l'Empire, il était venu du fond de sa province à Paris avec une lettre de recommandation que son père, petit commerçant de Montauban, lui avait donnée pour un sien cousin, épicier aux Batignolles. Le cousin du père Passemard était un brave homme. Il prit Hector pour commis d'abord, puis pour gendre. Après quoi il mourut avec la consolation de penser qu'il ne pouvait laisser en meilleure main sa fille et ses pruneaux. Hector Passemard fut en effet bon époux et bon commerçant. Il donna 2 enfants à sa femme, un fils, une fille, et fit prospérer le fonds de son beau-père. Celui-ci était un négociant du vieux jeu. Pas d'initiative, pas de conception hardie, point de foi dans la publicité, de ridicules petits bénéfices. Par respect pour la mémoire de son beau-père, Hector Passemard conserva les traditions de la maison. Mais il les jugeait mesquines et affirmait souvent à sa femme qu'il y avait quelque chose à faire. Jusqu'en 1855, il chercha sa voie. Cette année-là, il y eut une exposition universelle qui rassembla sous les yeux des Parisiens les produits du monde entier. Passemard se mit en rapport avec les représentants d'une maison américaine et se fit expédier de New York un grand approvisionnement de ces conserves que l'on ne connaissait pas encore à Paris. Puis il inonda le quartier des Batignolles de prospectus imprimés ornés d'un drapeau français et d'un drapeau des États-Unis en couleur. Il était question, dans ce manifeste, de Lafayette et de jambon fumé, de homard en boîte et de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les libéraux du quartier donnèrent aussitôt leur clientèle à Passemard et mangèrent à l'envi du jambon de Cincinnati. C'est de ce jour que commença la fortune de l'épicier novateur. Il eut bientôt un second magasin dans la rue des Martyrs, puis un troisième dans le centre de Paris, rue Montmartre. La clientèle affluait toujours, sollicitée par d'incessantes réclames. En 1862, Passemard liquida et se trouva riche de 700 000 francs. Avec la richesse, l'ambition était venue. Un peu honteux d'avoir, pendant 10 ans de sa vie, trafiqué sur la cannelle et les salaisons, il rêvait maintenant de s'élever, d'entrer dans ce qu'il appelait avec respect le haut commerce parisien. L'usine d'un raffineur qui avait fait de mauvaises affaires fut mise en vente à Saint-Denis. Passemard l'acheta à bon compte et pensa qu'il avait monté de plusieurs grades, parce qu'au lieu de débiter du sucre en morceaux, il allait le vendre en pain. Il y a de ces nuances dans le commerce. Il retrouva, attaché à l'usine en qualité de contremaître, un vieux camarade de Montauban, Firmin Henriot. Le pauvre diable était venu à Paris quelques années auparavant, s'était marié, comme Passemard, mais n'avait pas rencontré la fortune sur sa route, tandis que son compatriote s'enrichissait à vendre des jambons trichinés. Firmin Henriot suivait la voie douloureuse qui mène la plupart des inventeurs à la folie, au suicide ou à la ruine. Il rêvait de construire une machine où l'électricité devait remplacer la vapeur comme force motrice. Un savant éminent approuva ses plans et déclara qu'il y avait peut-être là le germe d'une grande et féconde découverte. Mais le malheureux chercheur se heurta bientôt à l'impossibilité de rassembler les capitaux nécessaires à ses expériences et à la construction de sa machine. Il vit souscrire 10 fois un emprunt émis par des financiers véreux pour la recherche et le renflement de 2 galions espagnols sombrés dans l'aide de Rio de Janeiro en 1695. Partout, on lui refusa les 10 000 francs dont il avait besoin pour continuer ses travaux. Après la mort de sa femme en 1853, il se trouva sans ressources avec un enfant de 2 ans. Il aimait tant son petit Jacques qu'il ne voulut point se séparer de lui et fit venir à Paris pour l'élever une vieille cousine qu'il avait à Montauban. Une place de contremaître à la raffinerie de Saint-Denis se trouva vacante. Il l'obtint grâce à ses connaissances en mécanique. C'est là que Passemard le retrouva 10 ans plus tard. L'expérience de Firmin Henriot lui fut d'une grande utilité. Et c'est en grande partie au conseil du contremaître que l'ancien épicier dut la rapide prospérité de son usine. En quelques années, le raffineur doubla son capital. Il témoigna sa reconnaissance à Firmin en portant ses appointements de 3 600 francs à 5 000. C'est plus qu'on ne fait d'ordinaire en pareil cas. Dans une inondation, Firmin sauva au péril de sa vie plusieurs personnes. Passemard fut décoré et donna 300 francs de gratification au contremaître. Enfin, celui-ci ayant été, en 1866, broyé dans un engrenage, il le fit enterrer très convenablement et parla sur sa tombe, avec une émotion suffisante, de la grande famille ouvrière, de la confraternité des travailleurs, de la gratitude que les patrons doivent même à leurs plus modestes collaborateurs. Il annonça, en terminant son discours, que désormais il se chargeait de l'éducation du jeune Henriot, alors âgé de 14 ans. À partir de ce jour, en effet, le fils du malheureux inventeur, toujours victime des machines, fut placé comme interne dans le lycée dont le jeune Maxime Passemard suivait les cours en qualité d'externe. Jacques Henriot devait passer dans la famille du raffineur les dimanches, les congés, les vacances. On trouva généralement la conduite de Passemard admirable. Lui-même aimait à se rendre cette justice qu'il avait fait grandement les choses. Jacques arriva au lycée quelques jours après la mort de son père, pâle, muet, les yeux pleins de cette stupeur qui trahit le douloureux étonnement des jeunes âmes blessées pour la première fois par la vie. Les premiers mois d'internat furent pour lui un temps d'épreuve. Jusqu'alors, il s'était laissé vivre avec cette heureuse insouciance, dont on apprécie le bienfait que lorsqu'on l'a perdu. Entre la vieille cousine, le bon abbé leur voisin et son père, Jacques avait grandi doucement, à la chaleur de ces trois tendresses qui le couvaient. Tout à coup, la vie l'avait saisi de sa main brutale. Le père était mort, la cousine était partie, l'abbé était loin. L'enfant restait en proie à l'affreuse solitude, et promenait autour de lui le regard épouvanté qu'on jette sur un désert où l'on se sent perdu. Oh, comme il le regrettait maintenant, l'humble petit logement là-bas près de la basilique. Comme les pois de senteur, les capucines et les volubilis, arrosés chaque matin, s'enroulaient gaiement aux ficelles tendues devant les fenêtres, au lieu de ces affreux grillages rouillés qui meurtrissaient les mains, et partout, au dortoir, à l'étude, en classe, au réfectoire, lui rappelaient que le lycée est une succursale de la prison. Derrière le rideau vert formé par les plantes grimpantes, tapisserie végétale que le moindre souffle de l'air agitait doucement, que de fois il avait, par les embrasures mobiles du feuillage, contemplé la vieille cathédrale. Il ne l'aimait jamais autant qu'en été, à l'heure où le soleil décline et frappe le portrait de ses rayons obliques, tandis que les corneilles, revenues des champs, tournoient autour du monument et jettent dans l'air apaisé la note âpre et courte de leurs cris sauvages. L'église alors paraît grandir. Les clochetons s'effilent et s'allongent comme pour garder plus longtemps l'auréole radieuse à leur fête. L'antique édifice semble s'épanouir et sourire. Jacques assistait avec une religieuse émotion à cette transfiguration sublime. L'esprit du Moyen-Âge entrait en cet enfant. Dans sa naïveté mystique, il attribuait une sorte de vie obscure à ces pierres vénérables. Il lui semblait qu'un souffle intime devait animer ce grand corps, qu'un peu de la pensée des fidèles qui depuis 10 ans venaient y prier et y espérer circulait confusément dans sa masse. Puis, à mesure que le soleil baissait à l'horizon, l'incendie du portail s'éteignait. La rose elle-même cessait d'étinceler comme un gigantesque écrin plein de pierreries. Quand les derniers clochetons avaient fini de se baigner dans la lumière, une grande ombre, ainsi qu'un voile de veuve, s'étendait sur l'église. La vie semblait se retirer d'elle. La cathédrale, un instant ressuscitée, se glaçait dans son immobilité grise et les saints agenouillés reprenaient leur éternelle prière. Souvent, son père, revenant de l'usine, l'avait surpris à la fenêtre, grave, perdu dans une de ses rêveries où toutes les vapeurs de l'âme, pensées confuses, réminiscences fugitives, sensations émoussées, images indécises, flottent comme un brouillard dans notre esprit. Le contremaître, noir du labeur de la journée, entrait dans la chambrette et disait de sa grosse voix joyeuse « Bonsoir, garçon !» Et c'était alors des baisers sonores sur les joues fraîches de son fils, des caresses sur ses longs cheveux, des étreintes passionnées, tandis que la vieille cousine grommelait d'un air de tendresse grondeuse. « Allons, Firmin, assez comme cela. Vous voyez bien que la soupe est servie et que vous faites mal à cet enfant. À table, à table !» Et l'on dînait, bien plus gaiement qu'au réfectoire. « Qu'as-tu fait aujourd'hui, mon garçon ? As-tu vu l'abbé ? A-t-il été content de tes devoirs ? Mords-tu au latin ? Ce que vois-tu, je ne suis qu'un ouvrier, moi. Mais je veux que tu sois autre chose, entends-tu ? Je n'ai pas eu de chance. Il faut que tu en aies pour nous deux, petit. » Et jamais Jacques ne songeait sans un serrement de cœur à la douce vie d'autrefois. Il fut d'abord dans les derniers de sa classe. La monotonie de la vie du lycée l'accablait, paralysait la vivacité naturelle de son intelligence. Le dimanche, un domestique de M. Passemard venait le chercher au lycée. Ce jour de fête, impatiemment attendu par ses camarades, n'apportait aucun soulagement à la souffrance vague qui accablait cette jeune âme. Après l'ennui de sa réclusion désœuvrée pendant la semaine, Jacques avait à supporter le dimanche les tortures que lui infligeait sa timidité. Le fils de l'humble contremaître ne pouvait s'habituer aux splendeurs du riche appartement de son protecteur. L'accueil affectueux de Madame Passemard, les questions bienveillantes de son mari sur les professeurs, les devoirs, la place obtenue à la composition hebdomadaire, les ouvertures amicales de Maxime, heureux de retrouver à la maison un condisciple, tout, jusqu'au joli sourire de Mademoiselle André, effarouchait le jeune sauvage. Quelquefois, au printemps, Madame Passemard l'emmenait au bois dans sa calèche avec son fils et sa fille. Ses promenades étaient un supplice pour Jacques. Chez lui, la gaucherie de l'adolescence se compliquait de sauvagerie native. Il avait honte de s'offrir ainsi en spectacle et aurait donné beaucoup pour échapper à la curiosité de la foule, qu'il jugeait d'instinct malveillante et narquoise. Surtout, le voisinage de Mademoiselle André l'intimidait. Assis en face d'elle, à côté de Maxime, ce grand garçon se faisait petit afin d'éviter que ses genoux ne frôlassent la robe de la jeune fille, et pour ne pas rencontrer ses yeux, s'imposait de ne regarder jamais qu'à droite ou à gauche de la voiture. Elle, cependant, serrée dans son corsage étroit, se tenait toute droite à côté de sa mère, qui, paresseusement, s'allongeait au fond de la calèche. André s'efforçait de vieillir ses 16 ans, et jouait à la dame avec la gravité comique des jeunes parisiennes qui, si vite, hélas, cessent d'être fillettes. Laissant la mère dodeliner par moments la tête, dans une somnolence qui congestionnait sa grosse figure enrubannée de brides rouges, la jeune fille plongeait un regard rapide dans toutes les voitures, détaillait les robes, les corsages, les chapeaux et, d'un mot bref, communiquait ses impressions à son frère. Maxime, de son côté, très au courant de la vie mondaine, comme le sont aujourd'hui les garçons de 18 ans, désignait à sa sœur les célébrités de la finance, de la politique, des arts, du théâtre ou du sport. André écoutait avec avidité, se retournait parfois d'un joli mouvement brusque pour mieux voir, et sur son visage dont les traits restaient enfantins, tandis que l'expression avait déjà cessé d'être jeune, on pouvait lire l'intérêt passionné qu'elle portait au frivole dénombrement de ses illustrations d'un jour. Parfois, on rencontrait un fiacre dont les stores rouges étaient baissés. Maxime poussait son voisin du coude en toussant légèrement et coulait un regard vers sa sœur qui, raide et convenable, serrait les lèvres sans bouger, les yeux fixes. Souvent aussi, on croisait une de ces jolies Victoria, dont le cocher porte une fleur à la boutonnière et le cheval un nœud de ruban rouge au-dessous de chaque oreille. La petite dame, sanglée dans un de ses corsets qui allonge la taille, ramasse la gorge et la jette en avant, toisait en passant Madame et Mademoiselle Passemard de l'air provocateur et effronté qu'elles prennent pour regarder les femmes honnêtes. Maxime alors s'agitait, dans l'espoir d'être remarqué, tandis qu'André analysait avidement, sans nul embarras, l'élégance savante et le luxe discret de la toilette portée par la jolie fille aux joues maquillées. Il arrivait parfois que Maxime sût le nom de la personne, et quelques particularités de sa vie galante. Alors il se penchait vers sa mère et lui disait tout bas quelques mots qu'André s'efforçait de saisir au vol sans avoir l'air d'écouter. Madame Passemard prenait un plaisir infini à ses polissonneries, empruntées aux journaux spéciaux dont la lecture était permise depuis quelques mois à Maxime. « Car il faut, disait M. Passemard, qu'un jeune homme se dégourdisse. » La niaiserie de ses historiettes la charmait. Elle les trouvait drôles, spirituel, riait d'un gros rire et disait en se pâmant « Ah, polisson, va, que tu es donc amusant, es-tu assez au courant de tout ?» Et elle regardait son fils avec admiration, en songeant à toutes les passions qu'un garçon de tant d'esprit ne manquerait pas d'exciter plus tard. Un dimanche qu'on avait fait la promenade ordinaire aux Champs-Élysées, Jacques, en attendant le dîner, était allé s'asseoir dans le petit salon, pièce isolée, où l'attirait souvent son instinct de jeune homme timide et mélancolique. Le petit salon était séparé du grand par une portière qu'on relevait les jours de réception et qui, en temps ordinaire, fermait la baie de communication. Jacques était là, feuilletant un livre, quand un bruit de pas se fit entendre dans la pièce voisine, où André venait d'entrer avec une jeune personne de ses amis, Henriette de Morincourt. s'il vous est arrivé d'entendre, dans un bois désert, babiller deux fauvettes sur une branche, vous savez ce qu'est la conversation de deux jeunes filles qui se croient seules. Quelque chose de musical et de chantant, entrecoupé par des rires, un duo alterné de questions, de réponses qui arrivent trop tard, d'exclamations, de diminutifs tendres, d'épithètes mignardes, un gazouillis de petites phrases incohérentes, ponctuées par des baisers, des envolées de mots qui partent soudain comme les moineaux d'une haie. Ces demoiselles se racontaient leur journée. Henriette était allée au jardin d'acclimatation. Elle avait visité les serres, le chenil, les volières. Le rouge caroubier était décidément à la mode. Seulement, elle ne savait pas si maman voudrait. Elle avait un bal pour jeudi, un mariage pour samedi. Quel chapeau mettre ? L'éléphant ne valait pas la peine d'être vu. Quant aux otaries, c'était plus amusant, mais un peu bébé. Un homme l'avait suivi pendant toute la promenade. Elle n'avait rien dit à maman parce qu'il était très beau. Des yeux noirs, une barbe noire, l'air espagnol. Mais elle n'en pouvait plus. Il fallait qu'elle confiât son secret à quelqu'un. Or, il y avait des raisons de croire que ce monsieur était amoureux d'elle. En effet, il avait, comme elle, caressé le zèbre en répétant avec intention ce qu'elle venait de dire. « Oh, quel beau petit zèbre !» Il avait un pantalon rayé. « Le zèbre ?» dit André. Alors deux frais éclats de rire jaillirent et égrenèrent dans tous les coins du salon leurs notes cristallines, comme les perles d'un collier dont le fil est rompu. Après un silence entrecoupé de « Ah, tais-toi, j'en pleure, tu me fais mourir !» Henriette reprit d'une voix grave « Riez tant que vous voudrez, mademoiselle, mais je vous assure que j'ai fait la conquête de ce monsieur. Comme tu es folle, parce qu'il s'est trouvé par hasard à côté de toi, devant le zèbre !» André s'interrompit pour rire de nouveau. Mais Henriette répliqua d'un ton important où perçait un peu de dépit. « Quand tu auras, comme moi, 18 ans passés, tu comprendras, ma chère, bien des choses dont tu ne te doutes pas. Vraiment, ma chère? Eh bien, c'est ce qui vous trompe. Mes 16 ans et 10 mois en savent aussi long que tes 18 et demi. Moi aussi, j'ai un amoureux. Est-ce possible? Mais oui, au fait, moi aussi, il y a 2 ans. Oh, dis-moi qui c'est, dis-le-moi, je t'en prie, dis, ma chérie. » Tu ne le répéteras pas, je te le jure. C'est un secret. Personne encore ne s'en doute. Il n'y a que moi qui ai tout deviné. Mais qui est-ce? Est-ce que je le connais? Oui et non. Tu me mets au supplice. Parle donc, puisque je t'ai bien dit mon secret. Oh, le tien. Enfin, écoute. Tu ne lui as pas parlé, mais tu l'as déjà vu. Où? Ici. Je ne trouve pas. Est-il âgé? Mais non. 18 ans, comme Maxime. Est-il beau? Mais oui. Au commencement de l'entretien des deux jeunes filles, Jacques avait songé à s'esquiver, dans la crainte de se trouver en tête-à-tête avec André et son ami, s'il leur prenait fantaisie d'entrer dans le petit salon. Mais la porte qui donnait sur l'antichambre était fermée à clé par le dehors. Se voyant pris, il se remit à feuilleter son livre pour se donner une contenance et n'avoir pas l'air d'écouter, si l'on venait à le surprendre. Mais il ne pouvait s'empêcher d'entendre, et bientôt, une vive curiosité s'empara de lui lorsqu'André déclara qu'elle avait un amoureux. Il passa rapidement en revue tous les amis de Maxime qu'il avait vus chez M. Passemard depuis 4 ans et ne se trouva pas plus avancé que Mademoiselle Henriette. Celle-ci cherchait toujours. Est-il noble? Mademoiselle de Morincourt croyait devoir à son nom d'apprécier fort la particule et les titres. « Oh non, pas du tout, je t'assure. Riche, encore moins. » Il est orphelin, et si pauvre que papa... J'ai trouvé !» s'écria joyeusement la jeune fille en battant des mains. « C'est le camarade de ton frère. » « Tout juste. Il ne dit rien. Il ne me parle pas, ne me regarde jamais en face. Mais je suis sûr qu'il m'aime depuis 2 ans au moins. Papa dit qu'il travaille beaucoup, qu'il aime la solitude, qu'il est toujours pensif. Tu vois bien que c'est une passion, mais surtout, pas un mot. Je te répète que personne ne s'en doute. Personne. « Entends-tu ?» Et les deux jeunes filles sortirent du salon en se tenant enlacées par la taille. Jacques, en proie à une émotion indicible, pâle comme le jour où l'abbé était venu lui apprendre la mort de son père, s'était brusquement levé. Il restait là, immobile, comprimant d'une main les battements de son cœur, serrant de l'autre son front, où 1000 pensées s'entrechoquaient. Il ne comprenait pas bien ce qui s'était passé. Toutefois, il sentait confusément que quelque chose de grave venait de s'accomplir. Il y a dans la vie des moments où une lueur soudaine, comme celle d'un éclair dans les ténèbres, illumine brusquement les profondeurs obscures de l'avenir. Pendant une seconde, le regard y plonge avidement et découvre des horizons inconnus. Puis la lueur disparaît, l'ombre nous enveloppe de nouveau, et de la vision évanouie, il ne nous reste qu'une sorte d'épouvante et d'éblouissement. C'est ainsi que ce jour-là, Jacques eut le pressentiment d'une destinée remplie tout entière et dominée par cet amour que lui révélait tout à coup la bouche même de celle qui l'avait inspirée.